Bienvenue à Web Music. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, un spécial de musique indonésienne. Donc, la semaine prochaine, mais plutôt cette semaine, les 16 et 17 novembre, dans la ville de Yogyakarta, en Indonésie, ben, il y a un festival Net Audio. C'est le Indonesian Net Audio Festival. C'est la première édition du genre en Indonésie. C'est organisé par le collectif Indonesian Net Label Union. Donc, c'est une vingtaine de net labels qui se sont ramassés ensemble, qui sont toutes situées un peu dispersées en Indonésie. Donc, ils ont décidé de faire un festival. Il va y avoir beaucoup de musique, donc je vais vous faire passer quelques artistes qui vont se produire au festival. Festival qui a donc de la musique, il y a des ateliers, des conférences, il y a toutes sortes de trucs vraiment intéressants. Donc, si vous êtes dans le coin, ben, je vous invite à aller faire un tour. C'est toujours agréable d'avoir un festival Net Audio. J'avais assisté au dernier à Berlin en 2009. Il y avait aussi, il n'y a pas longtemps, donc au Portugal. Il y en a toujours un peu partout dans le monde. Il y a celui de Londres aussi qui est assez fameux. Donc, tout le monde Net Audio se ramasse ensemble pour 2 jours en Indonésie pour de la bonne musique. Donc, je vais massacrer beaucoup de noms de groupes aujourd'hui parce que c'est souvent en indonésien. Donc, mon indonésien laisse à désirer. Je vais quand même tenter de vous parler des artistes. Donc, on va débuter avec Fro. C'est une demoiselle qui chante et qui est au piano. On va commencer ça tranquillement. C'est publié sur l'étiquette Yes No Wave Music, une étiquette vraiment importante en Indonésie. C'est pas mal, on pourrait dire la plus grosse. Donc, je vais vous faire entendre la pièce Salaku Sabatku. Ensuite de ça, sur Neo Vinyl Records, c'est Bottle Smoker avec la pièce Before Circus Over. Donc, on va débuter Web Music avec ces deux pièces-là. Je vous rappelle que donc pour télécharger les pièces entendues à l'émission, vous avez juste à vous rendre au www.webmusic.ca. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Donc, on débute l'émission avec Fro. Tersungkur dan jatuh, lalu ku tersungkur dan jatuh dan jauh. Habiskan hati sahabatku mencari ragu untuk dibunuh, menanggap nyali sahabatku mengisi jantung saat thank you. Thank you. un peu de musique 8-bit, donc c'était Bottle Smoker avec la pièce Before Circus Over. C'était publié sur l'étiquette indonésienne Neo Vinyl Records. Avant ça, on avait débuté Web Music avec Fro, avec la pièce Salaku Saabaktu, donc c'est publié ça sur l'étiquette Yes No Wave Music. Également de l'Indonésie. Si vous venez tout juste de vous joindre à l'émission, bien, je fais un spécial donc pour le Indonesian Net Audio Festival qui va avoir lieu les 16 et 17 novembre dans la ville de Yogyakarta en Indonésie. Donc, un festival qui est par l'organisation Indonesian Net Label Union. On va poursuivre donc avec un artiste qui est lui aussi sur Yes No Wave Music. Il s'agit de Belle Castrelka. Je vous fais entendre la pièce Again Gossip. Ensuite de ça, sur l'étiquette Yuan Records. Yuan Records qui ont vraiment beaucoup de bon matériel. Toujours un peu difficile à naviguer dans les pages en indonésien, mais vous pouvez toujours trouver donc un Python Play à quelque part ou un lien pour downloader. Donc, on finit toujours par trouver son compte. Donc, ben, c'est ça. Ça va être Serigala Jaha. Janam, donc la pièce s'intitule Drug Lord, donc on va écouter ça à Web Music. On écoute tout de suite Belka Strelka. of things, one feels dead, it's still part of me. One feels white, it's still part of me. One feels taken, still part of me. One feels David, still part of me. One feels getting, still part of me. One feels white, still part of me. One feels sick, still part of me. One feels David, still part of me. One feels getting, still part of me. One feels white, still part of me. You won't feel sick, still part of me. You won't feel living, still part of me. You won't feel getting, still part of me. You won't feel white, still part of me. Garage indonésien, donc c'était Serigala Jahanam, c'était la pièce Drug Lord, c'était publié sur l'étiquette Ujan Records. Avant ça, on avait droit à Belkas Trelka avec la pièce Again Gossip, publiée sur Yes No Wave Music. Donc, pour la suite de Web Music, on va entendre Therapy Urine avec la pièce Pengil Aku Mass Boy. Ensuite de ça, sur l'étiquette Sound Respect, on va entendre Dream Society, un groupe qui donne dans le punk avec un peu d'harmonica au travers, donc assez original. Ça va être la pièce Tangisan Alam. Donc, on écoute ces deux pièces-là à Web Music. Yeah, I got down.

C'était donc Kevin Katagawa avec la pièce The Sign. C'était publié sur l'étiquette In My Room Records. Avant ça, on entendait Terbujurk Kaku avec la pièce Layang Swaro. Donc, je suis vraiment désolé, j'ai la difficulté à prononcer donc les noms de groupe et les pièces en indonésien. J'espère que vous allez me pardonner. Donc, pour la suite de Web Music, on va entendre le groupe Denda Omnivora and the White Liar. C'est la pièce Groupies. C'est publié sur l'étiquette Stone Age Record. Ensuite de ça, sur Canal 30, Net Label, c'est Time Portal avec la pièce Terecam. Donc, c'est tiré de la compilation Qualici Nada, une compilation vraiment intéressante. Donc, il regroupe, je crois, 8 artistes indonésiens. Puis, il y a aussi un documentaire qui accompagne donc cette compilation-là. C'est un documentaire donc qui parle comment est-ce qu'ils ont assemblé la compilation. C'est à partir de des concerts donc qui ont fait cette compilation-là. Ils ont tellement aimé l'expérience qu'ils ont décidé d'en faire un documentaire. Donc, c'est ça. Pour poursuivre Web Music, on écoute Denda Omnivora and the White Liar. Rupis, rupis, rupis, rupis, rupis. Biasa kata rupis banyak aturannya. C'était Time Portal à Web Music avec leur pièce Terracam. C'était donc tiré de la compilation Coalizzi Nada. C'est une compilation publiée sur l'étiquette Canal 30 Netlabel. Avant ça, ben, sur Stone Age Records, c'était Danda Omnivora and the White Liar. C'était la pièce Groupies. Pour la suite, donc, c'est un groupe, non, qui n'est pas indonésien. Je fais une petite anicroche, donc, au au concept de l'émission de ce soir, c'est un groupe de Richmond en Virginie, aux États-Unis. C'est Gunboat avec leur pièce Clandestine, mais donc sont publiés sur l'étiquette quand même indonésienne Ear Alert Records. Donc c'est pour ça que je les ai mis sur sur l'émission. Donc on écoute Gunboat avec la pièce Clandestine tout de suite et je vous reviens après. C'était Gunboat avec leur pièce Clandestine, c'était publié sur l'étiquette Earth Alert Records. Ça va déjà être tout pour Webmusic. Visitez le www.webmusic.ca pour télécharger les pièces entendues à l'émission, pour consulter la playlist et télécharger les épisodes antérieurs. On se quitte avec une dernière pièce de Swaraning Pring Ensemble. C'est de la musique traditionnelle contemporaine, musique traditionnelle indonésienne. On va entendre la pièce Jalan Tu. Puis tout de suite après, c'est la croche-oreille qui se poursuit. Donc, restez à l'antenne de CKRL.